Chacun, une chose que j'ai souvent partagée, puisque je vais partager encore avec vous ce matin, avant de passer à notre réflexion de ce matin, toujours ces souvenirs, hein, toujours ces souvenirs que Dieu, hein, Jésus nous a révélé le Père. Hein, Jésus nous révèle le Père. Ça me fait penser à quelqu'un qui me dit un jour, si Dieu était comme Jésus, je pourrais croire en lui. Alors je lui dis, mais justement, Dieu le Père est comme Jésus. Tu peux croire en lui. Puis ça l'a fait. Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Il a dit, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que je le fais parce que le Père, hein, je l'ai vu, j'ai vu le Père le faire. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de Père sur la terre qui sont parfaits. Mais comme Père, que ce soit Père bio, donc Père adoptif, on apprend du Père à être des pères. Et puis, dans mon travail, que ce soit avec le pastorat, parce que le pastorat aussi nous appelle un peu, hein, à devenir un peu comme des pères pour certaines gens. Je me souviens à Rosemère, lorsqu'on avait 450 à 500 personnes, dont 90%, c'est des jeunes en bas de 25 ans. Alors, c'est sûr que, hein, il y avait une projection qui se faisait. Mais la chose que j'essayais toujours de me rappeler, c'est comment est-ce que Dieu agit envers nous? Hein? Comment est-ce que Dieu le Père véritable, c'est lui le Père véritable. Et que comme Père terrestre, nous avons à apprendre de lui à être des pères. Et j'imagine la même chose pour les mères, parce que Dieu est également mère. Dieu n'est pas seulement Père, il est également mère. Mais qu'on apprend de lui à être les pères, les mères. Comment que Dieu agit envers nous, sa compassion, son amour, hein, sa bonté, sa patience envers nous. Hein? Puis que de même qu'on peut agir de cette même façon-là envers les enfants biologiques, aussi bien que les enfants adoptifs. Voilà. OK, on est en train de parler des perspectives d'avenir pour cette communauté. Pour ceux qui nous visitent ce matin, juste pour vous mettre dans le contexte, cette église n'appartient pas à une famille d'églises. Donc, on n'est ni baptiste, ni pentecôtiste, ni méthodiste, ni mennonite. On n'appartient pas à une famille d'églises. Donc, on est une église autonome. Par contre, on s'est défini, on a vu le besoin, justement. On a vu le besoin, dans ces dernières années, de se définir, de se structurer davantage, et de se définir pour dire, mais qui sommes-nous? En fait, lorsque quelqu'un vient, tu le rentres, puis tu dis, mais qui êtes-vous? Parce que c'est marqué seulement, hein, Église chrétienne du roi des rois. Qui êtes-vous? Alors, on s'est penché sur la question. Il y a eu une table de travail les membres ont été invités à faire partie de cette table de travail qui, pendant un an, on s'est réunis occasionnellement pour échanger, pour partager, et puis à savoir qui sommes-nous. Après un an, donc on a pondu un petit document, hein, qui s'appelle, hein, premièrement, la table s'appelait « Se définir pour mieux servir ». Alors, on a pondu un document de notre définition. Malheureusement, on n'en a plus. Avoir su ce matin, j'en aurais imprimé d'autres, mais on va en imprimer d'autres. Et puis, dimanche prochain, vous pourrez avoir accès à ce feuillet qui nous définit comme communauté. Entre autres, la table de travail s'est penchée sur notre définition, qui nous sommes, notre identité. On a parlé de notre énoncé de mission, aussi bien que nos valeurs, nos objectifs, Ensuite, il y a eu des moyens qu'on se donne, des applications de ces moyens-là. Donc, on a trouvé bon, parce qu'on parle toujours... Tu peux juste changer? Okay. Donc, en parlant de perspective d'avenir, on parle du défi, hein, du défi de, d'être une présence de Dieu et du projet de Dieu au monde puis aux générations de la postmodernité, ou de la modernité, si vous aimez mieux. Hein. Mais le souci que nous avons d'être une présence de Dieu à notre génération, au monde d'aujourd'hui. Il y a un verset, entre autres, qui personnellement m'a interpellé depuis très longtemps, qui se trouve dans le psaume 111. Et même si le texte parle des cheveux blancs, même si vous n'en avez pas de cheveux blancs, ça s'applique, ça pourrait s'appliquer à nous. D'accord? Parce que quand ce verset m'a interpellé, j'en avais pas de cheveux blancs. Okay? Et malgré ce fait, ce texte-là m'avait interpellé par la phraseologie du texte. Lorsque David dit, « Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. » Et notre souci, moi, ce que j'aime, hein, de la façon que cette version de Samar rend le texte, ce verset-là, c'est que David parle d'être un témoin aux hommes de son temps, ou aux gens de sa génération, pas de la génération précédente, mais aux gens de mon temps à moi, là, d'être un témoin à ma génération, et aussi à la génération à venir, donc, être soucieux de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants, qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes, hein, aux adolescents, notre jeunesse, qu'est-ce qu'on leur transmet, d'être un témoignage pour eux. Donc, c'est dans ce souci que nous avons d'être hein, c'est un défi que nous avons d'être de pertinence, d'actualisation, d'être, en somme, hein, approprié par rapport à notre génération, notre discours, hein, le genre de discours qu'on tient. On s'est servi d'un texte, entre autres, Glenn a même cité, je pense, dimanche passé. Là, si on parlait, il parlait aussi d'Abraham. On s'est servi de ce texte, de Genèse chapitre 2, 12 plutôt, verset 2, lorsque Dieu va dire à Abraham qu'il le bénit en vue, qu'il bénisse d'autres. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Et comme communauté, nous avons souligné, puis nous le soulignons encore, et Dan l'a bien souligné la semaine passée aussi, que nous existons, pas en vue de se bénir soi-même, mais en vue de bénir les autres. Dieu nous bénit en vue que ce qu'il nous donne comme bénédiction serve à d'autres. L'exercice que nous faisons pendant ces semaines, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est notre quatrième session, dimanche prochain, ça va être notre dernière, OK? On va partager sur une valeur, il va nous rester une valeur dimanche prochain, et ensuite, je vais conclure, je vais brosser un tableau, et puis, autant que possible, je vous inviterai à être présent dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, c'est le dernier dimanche avant des vacances de l'été, déjà que, hein, de plusieurs qui manquent ce matin. Durant l'été, il y a le va-et-vient, les uns partent, les autres viennent. J'aimerais que dimanche prochain, on prenne la Sainte-Cène ensemble, avant le congé de l'été. Et puis qu'on fasse le point. J'ai à cœur d'apporter un partage plutôt pastoral par rapport à mon souci pour la communauté. Et puis, donc, je vous inviterai à être autant que possible présent par rapport à ces mots à d'autres, afin qu'on puisse être le plus nombreux possible et puis partager à la table du Seigneur aussi en même temps. Et ce sera donc notre dernière session par rapport à nos valeurs que nous ferons. Parce qu'entre autres, on a parlé que maintenant que nous avons un document qui nous définit, c'est une chose de connaître, c'en est une autre de comprendre, de l'accepter, de respecter, et puis ensuite de voir des effets voulus. Et la semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu plus sur le respect de ce que nous avons défini. Le respect de ce que nous avons défini. Vive ce que nous avons défini. On y revient dimanche prochain. Donc, nous avons déjà partagé notre identité. Nous sommes une communauté chrétienne d'arrière-plan protestant sur le plan œcuménique. Notre énoncé de mission, que je vous invite à lire avec moi. Notre mission est d'être ici et ailleurs des témoins actifs de l'amour du Dieu de la Bible manifesté en Jésus-Christ, en accueillant et en accompagnant toute personne dans son cheminement humain et spirituel, en s'impliquant au sein de la communauté dans un esprit d'authenticité et d'ouverture, en s'engageant pour le bien du monde et de la création. Donc, il y a une question ici de trois domaines de soucis pour cette communauté. La communauté chrétienne que nous formons, la communauté plus large de quartier dans lequel nous sommes, et la création, le monde en général. Hein? On parle de l'écologie, hein? Sauver la planète. Notre souci plus grand de la création de Dieu. Donc, on a commencé il y a 3 semaines, on a invité. Parce que ce document, comme j'ai déjà mentionné, c'est pas le fruit de ma pensée, c'est le fruit de 12 à 14 personnes qui ont participé aux tables de travail, et qui ont discuté, qui ont partagé, qui ont réfléchi, et après des heures et des heures et des heures de partage, c'était agréable. Il y avait une profondeur, puis une ouverture, un respect aussi de l'opinion des uns et des autres, que j'ai beaucoup apprécié. J'étais là comme modérateur. Je modérais les discussions et puis aider, faciliter la discussion. Mais ce document-là, donc, est le fruit de ces personnes-là qui faisaient partie de la table de travail. Ensuite, on a eu une réunion spéciale des membres de cette communauté qui ont adopté le document en disant, voilà, c'est notre définition. Voilà qui nous sommes. Alors, afin de bien comprendre, puis ensuite d'accepter, de respecter, puis de voir les effets voulus, alors on a pensé de faire un exercice d'inviter des gens, des personnes qui ont fait partie de la table de travail, de venir et de partager sur une des valeurs de cette communauté. Donc, dire pourquoi que nous avons choisi cette valeur-là. Qu'est-ce qui nous a motivés? Parce que lorsqu'on parle de valeur, c'est notre identité, on parle de qui nous sommes. Si on parle des valeurs de quelqu'un, bien, c'est ce que cette personne-là est, en essence. Donc, pour nous parler de ces valeurs-là, nous avons déjà vu, OK, le préambule. Et puis, on ne s'est pas attardé au préambule. Mais, ce matin, je le mentionne quand même, puis on va peut-être y revenir dimanche prochain. Par les valeurs suivantes, donc les valeurs qui vont être énumérées. Par les valeurs suivantes, nous désirons prioriser les relations plutôt que les programmes et ou l'efficacité. J'ai souligné, ce n'est pas la table qui a souligné, c'est moi. Par les valeurs suivantes, nous désirons prioriser les relations. Nous, nous avons discuté. Et nous avons dit que nous, comme communauté, voulons prioriser les relations humaines plutôt que des programmes ou l'efficacité. Je me suis déjà rendu compte qu'on a fait quelques accros à notre préambule. Je vais revenir dimanche prochain. C'est pas parce qu'on a adopté des valeurs que ça veut dire qu'on est parfait. Okay? Ça veut dire que c'est un but qu'on se donne. De sorte que lorsque une situation arrive, que nous priorisons les programmes ou l'efficacité au lieu des relations, on va se taper sur la main. On va revenir en arrière pour dire « Oh, oh, oh, oh, oh, on est en train de déraper. On est en train de mettre l'emphase sur les programmes, sur l'efficacité. On va prendre un raccourci. Combien savent que comme parents, il y a des raccourcis qu'on peut prendre qui vont briser l'esprit de l'enfant. Qui vont casser son initiative. Et dans la communauté, c'est la même chose. Parfois, on peut prendre des raccourcis. Si on priorise les relations, c'est plus long. Il faut plus de patience. Il faut parler, il faut dialoguer. C'est plus long. J'y reviens. C'est pas le propos de notre exercice de ce matin. Mais je me disais qu'on a... Hein? C'est là, ça. C'est là comme préambule, comme ouverture à nos valeurs. Nous voulons prioriser les relations avant l'efficacité et les programmes. Il y a une expression en anglais qui dit « The show must go on ». Right? Puis des fois, on a tendance à dire « The show must go on ». J'aimerais partager un petit peu que ce n'est pas la recette du royaume de Dieu. Ce n'est pas la recette. C'est une recette humaine. C'est un dicton humain. Les relations sont très importantes. Alors, on a vu nos valeurs. On a vu donc l'accueil. Daniel Morin nous a partagé. Tu as une de nos valeurs. Daniel, tu peux le lire? Ensuite, nous avons vu l'ouverture qui a été partagée. Non, on a vu la solidarité communautaire, excuse. C'est parce qu'il y a eu un changement à un moment donné là, dans notre donc, oh, t'as Alphonse sur l'ouverture. Alphonse, tu pourrais dire? Ouverture au dialogue, à la réflexion, au changement et à la diversité. Okay, ça, c'est qui nous sommes. Ouais. Ensuite, la solidarité communautaire, Michel. Être sensible aux besoins des personnes et des actions entreprises dans la communauté en les soutenant selon nos ressources. OK, donc on est solidaire au quartier, au chalet de Maisonneuve. On n'est pas un ghetto chrétien. Ouais? On n'est pas un ghetto chrétien. On s'incarne dans le quartier. L'inclusion, ça a été partagé par Maryse. Maryse. Reconnaître et respecter l'unicité et l'importance de chacun, chacune dans le projet de Dieu, quel que soit son âge, sa culture, son sexe, etc. Okay. Ensuite, on a parlé du respect, et ça, c'est ce matin. Alors, ce matin, j'invite Lynn Renaud pour venir nous partager sur la valeur du respect. À la suite du partage de Lynn, les membres uniquement de la table de travail pourront renchérir sur ce que Lynn aura apporté. D'accord? Seulement les membres qui ont fait partie de la table. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans une discussion, pas ce matin. Peut-être à un autre moment, on pourra avoir un partage plus large, plus grand. Mais ce matin, c'est les membres de la table qui expliquent pourquoi ils ont choisi cette valeur du respect. Lynn. Oui. Je parlerai assez fort. Il devrait. Un des deux. C'est bon. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on s'est rencontrés puis réunis pour se discuter de ce sujet-là. Donc, quand j'ai préparé ça cette semaine, j'étais un petit peu... je me suis dit, est-ce que je vais vraiment représenter ce que... Mais en tout cas, je me lance et puis si jamais il y a des choses à corriger, soyez très à l'aise de le faire pour les gens qui ont fait partie de la table là, avec moi. D'abord, je vais le lire. Donc, favoriser le respect de soi et des autres en accordant de la valeur et de la crédibilité à chacun, chacune. Je trouvais beaucoup que ça faisait en rapport avec notre préambule de considérer les relations plutôt que... Parce que je pense que le respect, on peut respecter le pamphlet, comme on disait tantôt, mais je pense que le respect des personnes, c'était notre point central quand on parlait de respect. J'ai fait une petite recherche juste de définition parce que le mot respect, je pense, c'est un point qui est hyper important parce qu'aussitôt qu'on parle de valeur, le respect, c'est ce qui fait en surface. Puis je pense que c'est comme ça dans le groupe qui est ressorti. Tout le monde disait, j'ai envie d'être respecté, puis il faut respecter les autres. Donc, les définitions que j'ai trouvées pour le respect, c'est considération pour quelqu'un ou quelque chose. Là, j'ai dit considération. Ça peut vouloir dire quoi? Raison d'agir ou action de tenir compte de ou porter attention à. On peut-tu définir un peu plus? Même pour moi, je disais, ça peut peut-être m'aider davantage à comprendre qu'est-ce que le respect. Donc, j'ai cherché le mot « attention » qui dit « marque d'affection ou d'intérêt ». Donc, des synonymes, l'amabilité, la gentillesse, la délicatesse, l'obligeance. Fait que le respect, finalement, c'est envers l'autre personne, on porte une attention particulière, on se soucie d'eux. Fait que c'est plus juste dire... ta limite est là, OK, je ne dépasse pas. C'est vraiment, je pense que la notion du groupe, c'était vraiment de considérer la personne qu'on avait en face de nous avec ses qualités, avec ses compétences, avec ses dons, puis d'être ouvert finalement, dans laisser la place à chacun de ce que chacun doit prendre sa place. Puis il y a un texte qui me parle beaucoup, qui représente énormément, je crois, le respect, puis qui met en mots finalement... ce que ça peut signifier ou symboliser au sein de l'Église. C'est dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 25, et je vous le lis, qui dit « Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes, et tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. En effet, nous avons été tous bâtis dans un seul et même esprit pour former un seul corps, et nous, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, en ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Ainsi, Dieu a disposé dans le corps chaque organe, chacun avec ses particularités, comme il l'a trouvé bon. Car il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles que nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter une division dans le corps et faire de chacun des membres et le même souci des autres. Je pense que ça représentait bien parce que souvent, en tant qu'être humain, on est fait d'une certaine façon, on bouscule les autres parce qu'ils sont différents de nous. Je pense que le respect de leurs dons, de leurs qualités, c'est ce que la communauté veut communiquer. Donc, c'est ça. S'il y a des gens qui... Merci. Est-ce que il y a des personnes de la table qui veulent renchérir sur ce que Lynn a apporté? Denise. J'insiste là, sur cette phrase-là, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la crédibilité. Je trouve que souvent, à cause de ce qu'on est, justement, on peut avoir tendance à accorder moins de crédibilité à une personne qu'à une autre, parce qu'on a des préjugés envers certaines personnes. Je dis, en tout cas, ce qu'on vise, c'est vraiment que quand les gens s'expriment, qu'on leur accorde cette crédibilité-là, indépendamment de nos préjugés, de nos Et qu'on peut avoir préconçu sur la personne, mais de vraiment écouter ce qu'elle a à dire et à faire. Mm-hmm. Oui, c'est bien de préciser ça, Denise. Quelqu'un d'autre de la table? Donc, oui. Quelqu'un d'autre de la table? Tu veux renchérir? Tant qu'on parle du respect, favorise le respect de soi, se respecter soi-même. Se respecter soi-même. Ça veut dire aussi, hein, chacun de nous, on a nos opinions. Hein? Et puis c'est de se respecter le fait que, oui, moi j'ai droit aussi à mon opinion. Je ne suis pas obligé de me fondre à l'opinion des autres. Où, on peut faire partie d'un même corps, d'une même communauté, et pourtant avoir des opinions différentes des uns des autres. Le respect de soi aussi, c'est le respect de nos limites. C'est pour ça que dans le conseil, hein, dans le conseil d'Église, il y a eu plusieurs changements. Parce que des gens qui ont dit, ben, je me respecte dans ma santé, je me respecte dans ce que je... Hein, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre... Hein. Puis ça, c'est ce respect-là que nous avons. On a aussi comme hein, on a aussi développé comme, je pourrais dire, un principe que on ne prend pas nécessairement des présences. Mais après quelques semaines, ça se peut que je vous appelle. Juste pour savoir comment ça va. Puis, y a-t-il quelque chose qui a... Hein? Mais dans ce sens que il n'y a pas d'ingérence dans la vie, il y a un respect de la vie de la personne. Puis de ses choix, il y a un dialogue qui s'établit, on parle, mais on ne prend pas les présences. Ça va pour les gens de la table? Maintenant, j'invite Michel. Si tu passes là. OK. Tu règles une situation. Michel Monette va venir partager sur... l'authenticité. J'aimerais remercier Michel. Vous allez peut-être trouver que Michel parle plus souvent que les autres. C'est le seul qui a dit « Je suis volontaire de remplacer les autres. » Alors, c'était ouvert à tous les membres de la table ont été invités à venir, à partager sur une valeur. Il y en a qui ont, à cause de leurs occupations, puis etc., qui ont trouvé bon de ne pas le faire, puis ils n'avaient pas le temps de se préparer. Manon devait partager ce matin sur l'authenticité, mais elle n'avait pas le temps. Puis elle m'a écrit cette semaine pour me dire « Je peux pas, je peux vraiment pas, je serai pas prêt. » Et puis j'ai demandé à Michel de la remplacer, puis haut la main, Michel a dit « Oui, je vais le faire. » Alors, Michel, je t'invite à venir, à partager sur la valeur de l'authenticité. C'est ça aussi le respect, hein. On peut pas... Hein. Le micro est là. Ouais. Vous êtes pas haut, hein, vous autres? Moi, je me trouve pas grand, des fois. L'authenticité. Chercher à être vrai dans nos relations, notre cheminement, nos paroles. Pas d'agenda caché. Vous savez, être authentique, c'est une des valeurs principales au cœur du postmodernisme. Oui. Nous sommes une société postmoderne, et le premier qui m'a enseigné sur le postmodernisme est bizarrement ici ce matin. Et c'est vraiment le fun que tu sois. Donc, Bruno, dans un cours à l'ETHEM, m'a initié, et je le trouvais vraiment bizarre. Il parlait de quelque chose qui était tellement... bizarre, mais au cœur du postmodernisme est l'authenticité. Ce que les postmodernes ont rejeté, c'est le manque d'authenticité. C'est pour ça que les institutions, de façon générale, sont mises de côté dans le postmodernisme. Et pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est pas authentique. Il manque quelque chose. Il y a des agendas cachés. On veut te faire passer quelque chose, on veut te faire accepter quelque chose. Mais en réalité, c'est ça qu'on veut. L'Église, souvent, n'a pas été authentique. Et lorsqu'on parle d'authenticité, c'est ce qu'on veut dire. On veut dire qu'on veut aimer, mais juste aimer. Pas aimer pour te convertir à quoi que ce soit. Pas aimer et avoir une relation avec toi parce que je veux te convertir. Je veux t'amener à l'Église. Je veux que tu connaisses Christ. Non, je veux t'aimer parce que Dieu t'aime sans aucune autre attente de toi. Et moi, je veux faire la même chose. Et c'est ça, être authentique. Être authentique, c'est dire à la personne, « What you see is what you get. » Puis, by the way, what you get is changing, hein, dans mon cas, en tout cas. Alors, on évolue tous, on change, on se transforme. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça. Et demain, bien, j'ai le droit aussi d'être transformé, d'être changé. Mais je suis authentique. Ce que j'avais comme agenda hier, c'est le même agenda demain. Et il est affiché, il est annoncé. Et nous, en tant que communauté, on veut dire aux gens, nous sommes une église. Nous sommes une communauté chrétienne, d'arrière-plan protestant, se voulant œcuménique. Ça, c'est qui nous sommes, notre identité. Et on veut le dire, sans dire aux gens, si tu viens ici, on n'a pas d'agenda, en réalité. On veut dire aux gens que nous ne sommes pas un organisme de développement communautaire. Nous sommes une église. On veut dire qui on est, et c'est ça la pensée. Maintenant, être authentique ne signifie pas que nous devrions dire tout en tout temps. Il y a des bons moments et il y a un temps pour chaque chose. Et des fois, et ça, ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas toujours cette sagesse-là de savoir quand il faut que je dise les affaires. Mais j'apprends. Il y a un temps pour chaque chose. Être authentique signifie que ceux qui nous côtoient que nous serons et que nous sommes vrais. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre aux gens autour de nous, je pense. Et c'était ce qu'on voulait dire quand on a parlé de l'authenticité. Bien, merci, Michel. Est-ce que les gens de la table, quelqu'un de la table veut renchérir? Marie, veux-tu venir au micro, s'il te plaît? Est-ce que Michel m'a reproché tantôt, là? Non, stop. J'ajouterais que être authentique dans notre cheminement, c'est avoir la possibilité de cheminer en toute transparence dans notre foi, dans la façon dont... Dans notre relation avec Dieu, c'est avoir la possibilité de dire « ça va super bien », puis avoir la possibilité de dire « je suis dans le trou le plus total », sans être jugé, sans être mis un peu plus bas dans le trou. Je pense que ça va aussi avec la valeur qu'on a partagée juste avant, le respect. On est plus authentique quand on est plus respecté. Bien dit, Marie. Merci. Merci de faire cette grand chérir. Quelqu'un d'autre des membres de la table de travail qui veut grand chérir? Peut-être juste voir si Manon, parce que Manon peut-être voulait grand chérir, juste voir s'il te plaît, Daniel. Si Manon a quelque chose à dire, parce qu'elle m'a dit avant la réunion que peut-être elle aurait quelque chose à dire. Fait que, je... Elle est sûre que c'est dit. OK. Parfait. C'est beau. Ça, c'est authentique. Ouais, c'est ça. J'ai aimé le fait que Michel a mentionné tantôt que justement, le respect, c'est tant que Manon m'appelle et me dit, ben genre, elle m'appelle pas, plutôt elle m'envoie un courriel pour dire je ne peux pas. Et puis, j'ai pas mis de pression sur elle de dire, Manon, là, tu me mets vraiment dans une situation où tu peux pas, c'est correct, Manon, on va s'arranger autrement. C'est le respect de la personne, des gens. Mais encore là, c'est toi tu as souligné aussi le respect dans le cheminement, à être authentique, puis respecter les gens. Cette liberté d'être soi-même dans notre cheminement, notre parcours de foi. Bien, je pense que j'ai déjà midi moins quart. Là, ce que j'ai parlé tantôt, je vais le mentionner maintenant pour que dimanche prochain. Je n'ai pas à y revenir. D'accord? Parce que dimanche prochain, quand même, ça va être, on va avoir pas mal de pain sur la planche. Je vais être à Sainte-Sainte, tout ça. Puis, je vais partager aussi sur un thème pastoral. Donc, maintenant, ce que je disais ce matin, que si on revient au préambule. Peux-tu revenir au préambule, s'il te plaît? OK, notre préambule. Le fait de prioriser les relations plutôt que les programmes ou l'efficacité. Et j'ai dit tantôt que nous avons peut-être déjà fait des accros, tu sais. Et j'aimerais juste mentionner que j'ai probablement été un des premiers à le faire. D'accord? Quoique je dis peut-être, parce que pas tous seraient d'accord, il y a des gens qui étaient d'accord avec la façon dont on est intervenu. Mais un matin, il y a eu un genre de petit... quelqu'un qui voulait prendre la parole, et puis il n'y avait pas de temps pour cette personne-là de prendre la parole, et puis quelqu'un a dû intervenir pour l'accompagner. Et puis, d'ailleurs, la personne qui l'a fait parce que j'ai donné le signal de le faire. Et puis, et c'est peut-être, certains ont cru, c'était un accro à notre valeur, hein, à notre préambule, prioriser les relations qu'on aurait dû laisser la personne faire, et puis... Donc, c'est pour simplement dire que j'ai peut-être été un des premiers à faire un accro. Peut-être que non, ça dépend des opinions. D'accord? Mais cela veut dire que, par ces valeurs, comme communauté, parce qu'on a la valeur du respect, de l'authenticité, d'être authentique. Être authentique, de dire, ben, ouais, j'ai moffé. Hein? Oui, j'ai dérapé. Puis, ouais, on a pu agir autrement. Puis en même temps, être libre de dire, ouais, mais il y en a d'autres qui ont trouvé qu'on a très bien agi, puis que c'était la façon d'agir. Puis de pouvoir dire, bon, tu sais, je respecte que dans la communauté, on a différentes opinions de savoir comment aussi qu'on doit intervenir. Mais sans doute, toujours revenir au fait que nous priorisons. Nous priorisons les relations plutôt que les programmes et l'efficacité. Et c'est pourquoi on a adopté les valeurs dont on a énuméré. La semaine prochaine, une dernière valeur qu'on va partager, ça va être sur la valeur de la liberté. Et ensuite, je vais conclure, brosser un tableau, conclure, et puis on prendra la Sainte-Sainte ensemble. Faites merci de votre présence ce matin.